L'assassin par Jules Hoche. Le monsieur qui avait demandé avec tant d'insistance à être reçu par monsieur le commissaire pénétra dans le bureau du magistrat en saluant brièvement et sans répondre au geste qui l'invitait à s'asseoir, il dit « Vous êtes toujours à la recherche de l'assassin du couple X ?» Le commissaire en convint, non sans quelque amertume. Le visiteur alors prit un léger temps, puis il articula « Eh bien, c'est moi. » Le commissaire avait sursauté, et son premier soin fut de s'assurer qu'il n'avait pas affaire à un fou. Mais non, l'homme barbu et jeune encore, qui s'était assis maintenant, paraissait absolument en pleine possession de toutes ses facultés, et son calme même répondait de la valeur mentale de son assertion. « Au fait, fit à part soi le commissaire, cette barbe, cette sorte de redingote longue et juponnante, tout cela répond bien au signalement fourni par les quelques personnes qui... « Non, non, je vous en prie !» interrompit l'homme, qui avait surpris ce soliloque aux lèvres du commissaire. « Ne me mettez pas la torture à votre tour, tout, excepté cela !» Un peu décontenancé, le magistrat murmura. « Enfin, c'est pourtant bien vous l'assassin, puisque vous le dites. « Oui, certes, » clama l'inconnu, subitement goguenard. « Et vous avouerez que j'aurais pu ne pas vous le dire. » Un silence un peu gêné s'établit l'espace de quelques secondes, puis l'assassin, car il paraissait bien l'être de plus en plus, reprit. « Je m'explique. On a dit que je portais une barbe postiche, et c'était faux, car vous voyez bien que cette barbe-là est une vraie barbe, une barbe qui s'avoue, une barbe dont n'importe qui pourrait être fier. Attendez, ne m'interrompez pas. On a dit encore que je portais une blouse d'imprimeur. C'était tout aussi faux, car je portais cette redingote-là. Je n'en possède point d'autre, soit dit entre nous, encore ai-je dû la faire à la devanture d'un fripier. On a dit « Non, je vous en prie, laissez-moi finir, j'en ai trop sur le cœur. » On a dit que le cordon qui me servit de lasso était malpropre. Monsieur le commissaire, c'est tout simplement révoltant, car c'était de la ficelle toute neuve que je venais d'acheter chez l'épicier du coin. On a dit que ma lanterne sourde, mais que n'a-t-on pas dit ? Je vous jure, monsieur le commissaire, que je n'en avais pas de lanterne sourde. C'est une simple lanterne de bécane que je tenais à la main. Mais voilà comment la presse et les soi-disant témoins travestissent les choses. Non ? Vous dire le supplice que j'ai enduré ces 8 derniers jours ? Chaque matin, c'était une nouvelle bourde, une nouvelle hypothèse absurde à se rouler par terre, et moi qui savais, et qui ne pouvais rien dire. Mettez-vous à ma place, monsieur le commissaire. L'assassin se lamentait maintenant avec des sanglots dans la voix. Il finissait par me faire passer pour une poire, pour une betterave. Oui, pour une vulgaire betterave. Des pas, disait-il en cœur, des traces de pas. Il n'y en a pas. Nib de traces de pas. Croyez-vous, monsieur, qu'ils en tiennent une pocheté? Comme si ce n'était pas l'enfance de l'art, de faire disparaître toutes les empreintes susceptibles de vous trahir. Ah, monsieur, je ne vous souhaite pas d'être jamais jeté ainsi en pâture à la foule des bavards. Ça... C'en est un de supplice, et je vous jure qu'il faut se mettre quelque chose sous la langue comme bœuf pour ne pas éclater. Mais le pire pour moi, ce qui m'a enfin fait sortir de mes gonds, c'était l'opinion de cet individu, une grosse légume, je crois, dans la magistrature, qui a déclaré que c'était un crime crapuleux. Ici, l'assassin se tordit les bras. Savez-vous, monsieur le commissaire, ce que c'est qu'un crime crapuleux? Moi, je ne le sais pas du tout, et pourtant, j'en ai vu et commis des crimes. Et c'était des crimes, tout simplement. Des crimes comme il s'en commet tous les jours. Des crimes criminels, quoi. Des crimes qui, jadis, m'eussent coûté la tête ou quelque chose d'approchant, tandis qu'aujourd'hui, je risque tout juste mes petits 10 ans de vie exotique. La Guyane, je crois. Vous vous écartez du sujet ? Crut devoir observer le commissaire. Du tout. Je voulais dire par là qu'il n'y a pas de crime crapuleux, c'est idiot. Il n'y a que des criminels qui peuvent être crapuleux ou des témoins. Ou des sales journalistes, mais ce n'est pas mon cas. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis le criminel criminel, tout simplement. Et en outre, si vous voulez, celui à qui on n'en remontre pas. Celui qui ne se laisse pas blaguer et vilipender tous les jours dans la presse. Et c'est pour ça que je suis venu vous trouver, monsieur le commissaire. C'est pour que vous mettiez fin à tout ce clabaudage ridicule, odieux, exaspérant. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. C'était l'assassin. Par Jules Hoche.